Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Marie-Pierre, c'est le moment d'un instant classique. Oh. Voici les meilleurs moments d'Assemblage requis pour la semaine du 26 septembre 2011. C'est un Assemblage requis et ça commence maintenant! Tu manges des bananes dans le temps. Qu'est-ce que t'arrives, François? Je te reconnais plus. Ben non, mais là, j'en ai pas. C'est fini, j'en banane? Arrête de m'achaler. Bon! Et on est dépassé, là. Ben, je sais quoi. Hey, Colin, toi, hein? Hey, 5 minutes, c'est la fin du monde? C'est fini, hein? Là. Oui, c'est fini. Bon. Merci. À demain. Lui, c'est François Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante, / Mplante, @commercial.gmail.com. Merci beaucoup. C'est quoi? Envoyer des virus, là. Vision. Okay. Alors, je le dirai pas au complet. Hein. Ça va plus être. Les gens vont t'envoyer des bêtises. Hein. Ouais. Ouais. Moi, on sait qu'il y a personne qui va m'écrire parce que pourquoi voudrais-tu écrire à Mathieu Plante? Parce qu'il est beau. OK. Parce qu'il est bon. Ben, deux, OK. Ouais. Parce que il sent bon. Ouais, trois. D'accord. Parce qu'il est un peu nono. Hey! Beau comme on s'aime de Yann Perrault. Assemblage requis. C'est fait sonore, hein? C'est... Woo! It's me, Mario! The Coos! Hein? Quickie. C'est toi qui disais ça, là. J'aime ça. On a-tu le temps? À deux, 3 minutes et demie. Oh. On se recalme un peu, on se rendort sur peut-être un snooze. En fait, endormez-vous pas, c'est assemblage requis. T'écoutes ça là, de façon attentive, François. C'est vrai. Qui voudrait dormir là-dessus? Non, je sais pas. C'est pas endormant. Non. Dis-moi pas que c'est endormant, c'est tout sauf endormant. Ça, c'est vrai. C'est ça. Peut-être un petit peu gossant des fois, peut-être fatigant, irritant, congestionnant. Mais c'est pas plate. Non, non. Voyons donc. Le jour, la nuit, le... Ah, c'est vrai, on avait un intro de chronique. On avait un intro de chronique, là. Hey. Placé, là. À peu près là qui était placé, je pense. À peu près là. Tout de suite après. Vas-y, Mathieu. On va entendre. Is it me? C'est bien ça? Oui, mais c'était Is it me? C'était pas... Hello! Is it me you're looking for? Kilo, comment ça, tu connais ça de moi? Je sais pas. T'as peu d'après moi... Trop de Star Academy, hein, ça. Ben non, mais je sais pas, c'est qui ça? C'est Lionel Richie. OK. Comment aussi me poser cette question? C'est un classique standard américain. Classique, mais on dirait que je connais pas ça. Non. Non. Non. Oh oui! Assemblage requis avec Mathieu Plante. Et François-Olivier Marchand. Oh oui, c'est bien moi, ça. Deux animateurs qui fessent. Avec de la musique qui fessent le matin. Non? Il n'y a rien de mieux que les fesses. Ah oh, ouais, ouais, écoute, je m'attendais pas à entendre le mot fesses deux fois d'affilée. Avec, Ben, une pour chaque. Ouais, faut pas faire de jaloux. Hein. La gauche va être jalouse, la droite. Oh, boy. Oui, on va voir la chronique. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Fait qu'il est resté don là. Oui, ça serait important. On l'a. Resté don là. Don là. Géro là. Les Géro là. Oh. Un Gérol comme dans le temps, pour changer les postes. Non. S'il te plaît. Mathieu, ferme le micro. François, arrête de parler. Oui, c'est correct. Je les ferme là. Ah, clic. Salut donc. Clic. J'attends que tu dises des niaiseries. Ben voyons donc, t'as pas la main là, sur le piton. J'ai pas la main sur le piton. C'est mais bien beau. Elle est occupée à faire d'autres choses, ma main. Hein? Une belle niaiserie, ça? Ouais. T'es beau, t'es fin. C'est pas une niaiserie, là, de dire des affaires qui sont vraies. Ouais. Oh. Ça devient long avec le temps, cette blague. Quand même. Il est 8h05 minutes. Tout à fait. Et vous êtes bien heureux d'être là. J'en suis sûr. Supposé, en fait. Ben, sinon, il y a un problème avec vous autres, là. Hein? Vous autres, on fait notre job. Hein? Ah, il y avait des lacunes dans cette semaine-là d'assemblage requis. On était comme moyennement drôle. Hein? C'était plus rire jaune. Hein? Non? Ben non, vous êtes juste difficile à suivre. Oui, c'est fois. Ça, ça arrive, hein, ça se passe hors vite. Hors contexte, comme ça, des fois, c'est difficile à comprendre, mais j'imagine dans le contexte, ouais, ben, quand t'écoutes à 8h10 le matin, tu comprends plus ce qui se passe. Je sais pas, je suis pas sûr, je sais pas. J'essaie de garder un minimum de contexte, mais j'avoue que des fois, il est difficile à pogner. Le premier mot, mettons, moi.